Entretien avec Nathalie Topoluc en date du mois de mars 2020. Alors, ici David au micro. Il me fait plaisir de m'entretenir à présent avec Nathalie. Et ça faisait un petit bout de temps là, qu'on avait discuté ensemble. Hein? Oui, bonjour David, comment vas-tu? Très bien, toi? Super, super. Très en feu et très confiné. Oui, parce qu'au moment où on nous parle, pour que les gens sachent, c'est qu'on est dans une période à cause du coronavirus où les gens sont appelés à être en quarantaine. Donc, en plus de vivre la quarantaine planétaire, on vit une quarantaine aussi sur le plan là, de l'isolement que les gens connaissent ici au Québec là, en lien avec le coronavirus, là. Absolument. C'est que les gens, ce que ça amène, c'est le bousculement des habitudes mémorielles des gens, là. C'est Oui, des gens. avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le coronavirus, donc pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que ça peut être intéressant de mentionner d'entrée de jeu que toi, tu fais présentement de la consultation en matière de psychologie évolutionnaire et que les gens peuvent te contacter à cet effet, là, que ce soit par téléphone, courriel et aussi par Facebook. Donc, je vais mettre les enregistrements en coordonnées, les coordonnées qui se rapportent à toi, en fait, en bas de l'enregistrement présent. Donc, pour les gens qui voudront te rejoindre. Et brièvement, avant de débuter la discussion sur le coronavirus, qui est le sujet de l'heure, je vais te proposer d'expliquer d'une manière résumée en quoi consiste le type de consultation que tu offres. Absolument. Ben, en fait, tout ça a débuté avec toi, David, lors de la mort de Daniel Ménard. Daniel Ménard étant le conférencier, le dernier intervieweur de Bernard. Et Daniel avait ses propres activités et a fait une œuvre monumentale sur le supramental, mais à son quotidien. Comment intégrer toute l'instruction de Bernard, qui était d'une façon très, très, très générale, et les gens se perdaient un petit peu là-dedans. Mais Daniel a su amener ça dans notre quotidien. Donc, suite à la mort de Daniel, on a eu l'entrevue et par la suite, beaucoup de gens se sont mis à communiquer avec moi à cet effet-là. Daniel et moi, on a été 30 ans, 30 années ensemble. Ça a été 30 années assez intenses, je te dirais. Et Daniel a laissé un héritage extraordinaire par rapport au réel supramental, parce qu'aujourd'hui, le supramental est utilisé à toutes les sauces, même à du yoga supramental. On va laisser passer ça, effectivement, mais c'est le supramental est tellement, tellement autre chose. Oui, bien, il faut peut-être clarifier ici que tu fais allusion au supramental qui a été développé par Bernard de Montréal, dont Daniel Ménard a été l'intervieweur, mais il existe aussi une approche en lien avec le supramental qui a été amenée en Inde par Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, qui est le premier, effectivement. Oui. C'est ça que lui, il parle du yoga intégral. Fait qu'il parle d'une espèce de yoga en lien avec le supramental, mais c'est très différent de ce qu'a amené Bernard de Montréal, notamment par rapport à la notion de la contestation des plans. C'est très différent, là. Donc, c'est vraiment pas la même chose, là. C'est pas la même souche. C'est vraiment pas la même souche. De toute façon, si on regarde à cette époque-là, je veux dire, il y avait l'entrée en la matière. Il y a eu une entrée en la matière qui a passé par Sri Aurobindo et le premier qui a mentionné « l'homme pense qu'il pense ». Mais c'est encore tout dans l'ambiance laiteuse de tout ce qui était supramental, pas supramental. Mais de la haute spiritualité de l'Inde. Une haute spiritualité, effectivement. Oui. Exactement. Mais sinon, pour tes consultations, lorsque tu en fais auprès de gens, est-ce que c'est des consultations où tu vises à régler, accompagner les gens pour qu'ils règlent des problématiques dans leur quotidien? Effectivement, c'est que les gens, il y en a beaucoup, étrangement, les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont en contact initial avec tout le matériel supramental de Bernard. Et là, ils savent plus ce qu'ils sont rendus, c'est des chocs terribles qu'ils vivent, puis ils n'ont plus aucune référence. Donc, comme j'explique aux gens, moi, je suis ni motivatrice, Je ne suis pas une donneuse de recettes. Tu devrais faire ci de même, tu devrais faire ça. C'est que c'est des mises en vibration par une écoute. L'écoute, comme. Comment je pourrais t'expliquer? On a tous une programmation. Il y en a qui sont bons en architecture, il y en a qui sont bons en whatever, là. T'sais, ils ont des talents et tout ça. Moi, j'ai ça, cette écoute-là. Ça m'est, j'ai ça depuis tout petit, depuis bébé, là. J'avais des problèmes d'oreilles. Ben, c'est bizarre parce que c'est vraiment une polarité au niveau de l'audition. J'avais ce problème-là, mais je captais tellement autre chose, mais j'avais pas les mots pour le dire. Qu'est-ce que je captais? Bon, faire une longue histoire courte, j'ai toujours recherché quelque chose, je savais pas c'est quoi. Moi, je cherchais le ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Là, puis j'ai le principe spirituel, c'est un chemin, je dirais, comme c'est un passage obligé à quelque part, ou ben non, il y a des gens que ça leur arrive, qui sont zéro spirituels, puis pouf, ça leur arrive dans leur vie, mais ils sont complètement démembrés, puis ils ne savent plus ce qui se passe. Des gens pensent qu'ils sont vite des fous et tout ça. Donc, les gens communiquent avec moi. De un, ils ont besoin de parler pour comprendre. Mais parler pour comprendre, on a besoin d'une écoute. Donc, c'est l'échange qui s'établit là-dedans. Puis là, les gens, ben, ils vont parler d'un sujet spécifique, ils vont parler d'un état général, mais dans l'écoute, s'il y a une mise en vibration qui j'y vais par questionnement, et étrangement, c'est que les gens ont leur réponse. Les gens ont leur réponse, David. C'est juste qu'ils sont complètement pollués soit par l'intellect ou l'ego qui essaye toujours d'avoir le dessus, mais là, y a-tu quelqu'un qui va me dire quoi faire, puis tout ça? Non. Moi, là, comme je dis, j'explique pas les gens comment agir. Mais c'est par le questionnement et une mise en vibration. Puis là, les gens, ils disent, ah, c'est donc bien drôle, là. Tu sais, samedi, là, puis là, il y a vraiment un échange qui s'établit, puis c'est tellement intéressant, David, là, de voir les gens. Puis, étant donné que les hasards n'existent pas, il y a toujours un lien à chaque intervenant qui est relié, bizarrement, entre guillemets, à ma propre vie, ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Pop, il y a quelqu'un qui demande une consultation qui est directement reliée à ce que j'ai vécu. Donc, c'est bien étrange. Puis, c'est que les deux, on apprend tout le temps. Il y a une élévation vibratoire qui s'installe dans la conversation. Puis finalement, ben, la personne, tu sais, elle arrête d'être en réflexion, puis elle, là, elle rentre en mode affirmatif. C'est tellement extraordinaire de voir ça. Ben voyons donc, Nathalie, j'ai ma réponse. Ben, je dis ça, tu l'as. Oui, Puis là, exactement. c'est après, les gens deviennent comme, là, ils me réécrivent sur Messenger, là, t'sais. Bon, évidemment, il y a un tarif, il y a tout ça, mais je suis très ouverte, là, comme, juste avant l'entrevue, il y en a une qui a dit, là, je sais pas, elle dit, ça me parle en jupe puis en dessus dans la tête, elle dit, c'est-tu normal, c'est tellement, tellement, tellement intéressant de voir comment les gens sont. Il y a une rapidité qui se passe présentement. Puis surtout, si on a fait allusion au coronavirus, là, Oui. présentement, là, c'est que présentement, les gens, l'effet, on ne parle pas du virus, là, tout ça, mais c'est l'effet que ça donne. Ça casse les habitudes, ça casse le mémoriel des gens, ça leur donne une autre direction imposée sur eux autres. Oui, Là, les exactement. gens, ouais, C'est sûr que c'est c'est ça. intéressant à en faire l'étude comme phénomène social, entre autres, parce que rapidement, en quelques jours à peine, beaucoup de personnes se ramassent à être mises en quarantaine. Donc, Absolument. vivre de l'isolement, du confinement. Fait que c'est souvent une situation qui est propice à l'intériorisation. Qui dit intériorisation, ben ça peut être possibilité d'être plus à l'écoute de son intériorité, à qu'est-ce que ça me dit. Oui, mais c'est que le confinement étant imposé et non pas Voulu. décidé, C'est voulu, ça décidé exactement. par les gens. Oui. Donc, les gens, là, ils sont pris en panique. Ils sont en panique sur plusieurs plusieurs niveaux, comme juste au niveau travail, les enfants vont pas à l'école. C'est le changement d'habitude qui crée la panique. Et moindrement que les gens, tu sais, les gens, le système prend en charge les gens, le travail prend en charge les gens, d'un coup, pouf, le fil est coupé, on fait quoi? Ben, c'est ça, les Là, gens ne sont pas nécessairement habitués de composer avec le vide. ah, c'est ça, c'est un vide, mais il y a une folie dans ce vide-là. Donc, c'est le chevauchement entre tout ça. C'est que les gens, à un moment donné, il va falloir, tu sais, si je regarde juste ma mère, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est là, ils mettent tout ça dans le futur, là. Puis ça essaie de contenir quelque chose, mais étant donné que c'est pas eux qui pensent, là, ils se branchent, le courant collectif, là, sa folie furieuse, là. Ben oui, C'est juste, exactement. Parce que dans le il y a fond, une. oui, c'est ça. C'est parce qu'en lien avec ça, ça peut être une occasion pour des gens massivement de se faire astraliser puis sombrer dans la peur puis la panique là, du coronavirus. Là, où, surtout en se ramassant, par exemple, comme ici au Québec, pendant 14 jours, pour beaucoup de personnes, à être cloîtrées à l'intérieur, ben les gens peuvent réfléchir à beaucoup là, pendant cette période-là. Mais c'est que les gens veulent, ils ont un paquet de questionnements, c'est qu'est-ce qui les drive présentement, c'est la non-contenance de tout ce qui se passe, parce que, encore là, c'est imposé. Donc, la folie s'installe, c'est pas eux qui pensent. Donc, ça, comme je disais, ça se branche sur le courant général de la folie. Toute la folie du papier de toilette, là, pourquoi de tout ça, les gens, là, c'est que ils ont atterri sur une forme physique. Peu importe, les gens vont aller chercher de la bouffe comme si là, l'armée va rentrer, puis elle va barrer toutes les portes, puis là. Mon Dieu, c'est, regarde, on peut en nommer des folies, puis tout Ben ce oui, qui peut se les magasins passer. qui se sont vidés rapidement, là, tu sais, Oh, en ce début de mon mois de Dieu. mars-là, là, que ce soit le rouleau de papier de toilette ici au Québec, ou la farine, les patates aussi, les gens qui se sont garrochés au Costco avec des fils monstres, Ouais. c'était comme si c'était la veille de la fin du monde, puis là, les gens prenaient des provisions pour survivre pour les prochains jours, tu sais. Absolument, mais c'est que les gens, tu sais, je veux dire, la pensée, ça se transfère. C'est comme tu sais, un virus, là, tu sais, touché à un autre, ça se Ah transfère. Mais oui. l'état vibratoire des gens, ça se transfère autant comme un virus, là. Oui, ben on peut Donc, parler de contagion psychique en plus de la contagion ouais. physique sur le plan littéral du coronavirus qui se produit là. Tout est là. Tu sais, je veux dire, autant l'électricité est là. Je veux dire, on ne la voit pas. Les vibrations, on ne les voit pas, mais si on prend le principe ou l'image de l'électricité, on ne la voit pas, mais elle fait tout fonctionner. La pensée qu'on a dans la tête, on ne la voit pas, mais ça fait fonctionner en temps. Surtout Exactement. la peur, là, ça, là, c'est comme une explosion là, de tranquillité mémorielle. J'ai toujours tourné le coin de la rue à droite là, en disant. On nous impose de rentrer dans les carrefours, là, puis on ne sait même pas quel bar qu'on pogne, là. Ouais, fait que les gens, là, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est que là, on a vu un début d'un nouveau, de quelque chose. On a tous assisté à ça. On ne sait pas dans quel état les gens étaient, mais on a assisté en général à un nouveau mouvement. Tout va très vite. De toute façon, tout s'accélère, donc l'information va suivre le même chemin d'accélération, là. Mais c'est que le problème, c'est que les gens ne sont plus capables de contenir même la pensée, la folie au niveau de ce virus-là. Les gens ne contiendront plus ça. Ça a toujours été annoncé. Daniel Ménard, il disait, là, il dit 2020, 2020, 2020. Il a toujours parlé de tout au travers de ses Oui, conférences, puis exactement. Puis il l'avait même marqué sur son site web, sur la page d'accueil. Il avait même fait une prédiction par rapport à l'entrée de Pluton dans le signe du ouais, Capricorne qui allait marquer effectivement. l'éclatement des structures, toutes les Oui. structures sociales, dont notamment l'économie, entre autres, qui est une Ben oui. structure. Puis là, on voit que présentement, avec la baisse des indices boursiers, que ce soit le Dow Jones, SP 500, qui a une baisse importante au niveau économique. Mais oui, absolument. Puis, je me souviens très bien parce que Daniel, c'est un érudit de la bourse. Puis, il parlait qu'il va avoir une chute incroyable au niveau boursier, puis tout ça. Donc, on voit que la planète a sa programmation également. Puis, nous, on en a une programmation là-dedans. Puis, tout ça, là, c'est entremêlé, là. Tu sais, c'est tout prévu, là. C'est tout su, Tout ce qui est là est écrit, même nos vies est écrite, complètement écrite. Sauf que, à un moment donné, c'est savoir que c'est pas nous autres qui pensent. Ça, c'est rendu philosophe, mais tu sais, c'est pas toi qui penses, c'est pas l'autre qui pense non plus, là, tu sais. Mais c'est dur parce qu'on essaye de le comprendre intellectuellement, cette affaire-là. Mais le chemin va se faire. Il y a un chemin. Tout le monde a une utilité, là, tu sais, à quelque part, là, tu sais. Ben moi, je suis reconnue pour dire, c'est pas toi qui penses. Ça crée toujours un choc d'une conversation, cette affaire-là. Ben oui, c'est vrai, t'sais. C'est Ben, tellement drôle, c'est là, sûr que t'sais. c'est une notion qui est difficile à intégrer, t'sais, surtout quand les gens ont été conditionnés au niveau philosophique avec l'adage de René Descartes qui dit « Je suis donc je Donc, pense je parle. Mais là, disons que tu choisis tes batailles, là, tu n'arrives pas d'une réunion, regarde, c'est pas toi qui passes, là. Ça, tu rentres pas ça de même, là. Mais non, par c'est contre, tu sûr. sais, je veux dire, on a nos groupes d'amis, c'est surtout, comme je dis à ceux qui m'interpellent pour des consultations, la première question que je leur demande toujours, as-tu un talking partner? As-tu quelqu'un avec qui parler? Parce que penser tout seul, là, surtout dans les temps qui sont là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui parlent de suicide, on va parler de maladie, on va. Regarde, tu sais, là, on va tout défiler de tout ça. Mais l'important, c'est de parler et d'être reçu, d'être. Écoutez, ça, c'est bien important, là. Il y en a qui vont dire, tu vas dire, hey, comment vas-tu? Salut, comment ça va? Je vais pas bien. Hey, moi, ça va bien. Déjà, en partant, tu vois que les gens sont pas. Mais là, présentement, les chaudières sont pleines. J'appelle toujours ça les chaudières. Les verres sont pleins. Les gens ne sont plus réceptifs à l'autre. Ils sont juste réceptifs à qu'est-ce qu'eux vivent par en dedans. Fait que là, à un moment donné, là, les vannes vont briser. Là, tu sais, il y a quelque chose. Donc, en parlant, on est capable d'extérioriser les choses, puis on est capable de voir qu'est-ce qu'on vit. Les gens m'appellent pour leur demander ce qu'ils mettent dans leur café, tu sais. Puis, c'est étonnant, présentement, tu sais, David, c'est dans la douleur puis dans les événements qu'on vit là qu'il y a une ouverture qui se crée pareil. Là, à un moment donné, là, les gens sont saturés, là, ils ont besoin d'écoute. Ils ont besoin d'être, ils ont besoin d'être rassurés, là, parce qu'avec, c'est pas eux autres qui pensent, fait que l'astral, ils sont sur la game mentale, eux autres de l'autre bord, là. Ben oui, ben Puis, c'est sûr que c'est une opportunité pour l'astral, non pas de faire des déplacements économiques, mais des déplacements énergétiques pour empocher le gros lot, c'est-à-dire les énergies vitales des êtres humains qui vont vibrer à de l'émotionnel, qui vont carburer à ça dans les prochains jours à cause de la pandémie. Ben absolument, mais c'est parce que la fin, les morts ont besoin des vivants. C'est pour eux, c'est toujours comme l'exemple de la bûche, là, tu sais, la bûche que tu vas mettre dans le foyer, la bûche étant la pensée. C'est pas de la bûche, l'émanation énergétique de la bûche, qui est de la chaleur. Donc, la pensée va créer un état, émotionnel. C'est là-dessus. Les entités se nourrissent parce que eux autres, ça leur donne l'impression de vivre parce que le trois quarts, ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Anyway, ces entités-là sont déjà sélectionnées à notre naissance qui allait être là. C'est juste que nous autres, on n'a pas été éduqués à. C'est pas à l'école en catéchèse qui nous enseignait ça, là, t'sais, il endoctrinait, on était obligés de penser de cette façon-là, t'sais. Ben oui, Mais dans ton temps, les gens se faisaient rentrer des croyances par rapport, entre autres, soit que les gens étaient dans la religion catholique ou la morale. Ben, Mais absolument, là, tu dans sais, le puis. catéchèse, c'était la religion catholique. Puis dans mon temps aussi, il y avait de la religion catholique, puis c'était des croyances. Là, aujourd'hui, c'est un cours d'éthique et de culture religieuse que les gens ont au Québec. C'est moins pire, mais ça donne pas accès aux jeunes en bas âge à une psychologie évolutionnaire qui lui Absolument pas. permettrait d'être libre psychiquement, là, des pensées intrusives là, qui proviennent de l'astral, entre autres, là. Non, mais c'est parce qu'encore là, si on revient à la base, l'homme pense qu'il pense. C'est Moi, tellement j'apporterais juste. comme nuance, il croit qu'il pense. Ah, ben, c'est encore. Ça, c'est un autre step plus creux. Ben oui, mais Ou plus. on est là pour aller plus loin. Ben absolument, là, tu sais, je veux dire, c'est que, puis en plus, même ceux qui sont dans les supramentales, là, eux autres, ils prennent ça, puis c'est de l'extérieur qui va peindre l'intérieur. Bon, ça va créer des chocs, ça va briser des courants de pensée, je te dirais, ça va décoller, ça décolle des entités, là, tu sais. Par contre, c'est que les gens réellement l'intellect, fait qu'ils veulent s'approprier cette information-là de leur ancienne façon. OK? C'est qu'on va dire, je ne sais pas, si on prend l'exemple de les cours de conduite, là, ils vont te donner le manuel, là, le manuel de pas pratique, Manuel de théorique. le manuel de théorie, on le Oui. comprend tout. Okay? Mais là, les gens avec le supramental, ça l'arrête là. Ils sont pas capables de mettre ça dans leur quotidien. Il se passe quoi dans leur quotidien? Fait que là, ça vient une énergie philosophique. C'est l'astral qui récupère tout ça au lieu de fonctionner dans notre physique, là. Je vais toujours donner l'exemple très simple du matin. On prend par habitude, si on prend du café, on met de la crème ou du lait. Je vais dans le général, là. Oui. On va y aller par habitude est-ce que je mets. On prend même pas de décision là-dedans. L'habitude, ça, c'est des pensées qui rentrent dans le blind spot. C'est comme ça. C'est même plus pensé, Ouais, c'est fait mais automatiquement. c'est ça, mais des fois, il y a des automatismes qui sont utiles parce qu'ils nous permettent de sauver du temps. Prenons par exemple l'automatisme de notre corps biologique à respirer. Si on penserait à chaque fois qu'on respire, on aurait moins de temps pour parler ou faire autre chose. Non, mais là, ça c'est d'autres choses, c'est une autre affaire, là, tu sais. Ménard me le disait souvent, il dit, t'as pas savoir. Il me disait toujours, il dit, t'es pas obligé de savoir ce qu'il y a dans l'air pour respirer. Ça, c'est des mécaniques, des habitudes biophysiques, je dirais, là, tu sais. On n'a pas à penser comment on respire, tu sais. Mais je pense juste dans les habitudes de vie qu'on a. D'ailleurs, les habitudes sont complètement crashées avec qu'est-ce qui se passe avec le virus. C'est que les gens. Ce que je veux en venir, c'est que les gens ne sont plus en mesure de prendre des décisions. C'est toujours quelqu'un ou l'État qui. Des prises en charge, là. Tu sais, c'est les autres qui vont me dire comment m'habiller, que c'est les autres qui vont me dire comment manger. Là. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de l'intérieur. Oui, il va y avoir des mises en question et tout ça. Mais si je reviens à mon exemple de café, c'est que les gens ne sont pas en mesure de prendre des décisions, mais ne questionnent rien. Fait que là, eux autres, l'astral, lui, il va utiliser ce même chemin-là. Là. Je sais pas si tu vois ce Oui, que je veux je dire. vois ce que tu veux dire. C'est sûr que les gens qui font des habitudes sur le pilote automatique, comme hypnotisés, à ce moment-là, ben ils font des choses sans s'en rendre compte. C'est ça. C'est sûr que de prendre du café par habitude, ça a un impact sur la santé de l'individu à long terme, surtout si c'est d'en prendre 5 fois par jour. Ouais, mais c'est que ce que je veux sortir comme principe, c'est que les gens. Le trois quarts des consultations que j'ai faites, c'est que les gens ne sont pas en mesure de prendre des décisions. Ils vont remettre leur pouvoir de décision dans la tête d'un autre. Tandis que juste des fois, juste Bon, ce matin, tu sais, on a nos kits pour aller travailler, pour s'habiller, là, tu sais. On va s'habiller par habitude, on va déjeuner par habitude, au lieu de dire, bon, regarde, on va faire quelque chose d'autre, là. On va casser ce cycle-là, là, de pensée-là, là. On va faire d'autres. Tu sais, comme j'en ai une, elle ne sortait jamais chez elle. Elle avait ses enfants à la maison. Puis là, j'ai. Ben, c'est une longue histoire courte, là. Mais là, j'ai dit, écoute, puis elle était, il n'y a pas longtemps, mise en contact avec toute l'instruction de Bernard. Elle les a toutes écoutées en dedans de 4 mois, là. Ah, c'est tapé au-dessus de 500 enregistrements. Ouais, elle a décidé ça, là, tu sais, là, OK, puis. est un peu excessive. ben oui, c'est. Mais un être extraordinaire, David, c'est hallucinant, cette femme-là. Puis c'est des petites choses, là, tu sais. J'ai dit, garde, je dis, si t'aimes manger tes gâteaux, elle est parisienne, je vais manger tes gâteaux dans un restaurant, là. Ben ça, je te parle de ça, là, un mois et demi, là. Oui, parce que les Mais, tu gens en France, au moment où on parle au mois de mars, ils n'ont plus le droit de sortir sa rue sais. puis d'aller au restaurant. Non, ben, je fais juste te dire qu'est-ce qui en est sorti de ça, mais c'est des Oui. petites choses. Mais pour elle, elle dit, là, elle me rappelle, elle dit, Nathalie, elle dit, finalement, elle dit, ça a passé par mon mari, il nous a emmené souper le soir même de la consultation. Puis elle dit, ça fait, elle dit, jamais qu'il fait ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des mises en vibration. Puis là, elle s'est mise à sortir un peu plus de chez elle. Oui, mais il faut que ça soit elle qui initie le mouvement. Il ne faut pas qu'attende après son mari parce qu'elle peut attendre longtemps que ça se reproduise. Non, non, elle n'a pas attendu. C'est que là, il y a une mise en vibration, puis ça a passé par lui. T'sais? Donc, puis là, après ça, le lendemain, ben, elle était prendre ses macarons parce qu'elle aime tel type de pâtisserie. Mais là, elle a décidé que c'est aujourd'hui qu'elle sortait. Donc, le principe de ça, c'est que. Elle est en prise de décision. Là, elle n'attend pas après personne. Elle m'écrit, Nathalie, c'est extraordinaire. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais elle dit juste ça, là. Elle dit, ça change, là, complètement. Ça peut être tellement banal pour bien du monde, tout ça, mais pour elle, ça a été une prise de conscience extraordinaire. Tu sais, c'est elle qui recommence à prendre ses décisions, là, parce Ben qu'elle va oui, mais manger. ça lui permet d'initier le mouvement, puis à ce moment-là d'intégrer davantage dans sa vie une conscience initiatique, c'est-à-dire capable de faire des choses nouvelles ou qui sortent des habitudes qui sont différentes. Qui sort de la mémoire, qui sort du connu, qui sort du connu. C'est ça qui est important, là. Parce que souvent, là, les gens vont jaser. C'est juste un brassement de mémoire, là. C'est un brassement de boîte, là. Là, c'est juste réorganiser la boîte d'attitude, là. Il n'y a rien de nouveau qui sort. Puis dans ce sens-là, mais il n'y a pas de mise en vibration. Mais une mise en vibration, je me souviens très bien qu'avec Ménard, quand on parlait de quelque chose, là, dans la semaine, il se passait quelque chose relié à qu'est-ce qu'on parlait. Mais tous ceux avec qui, avec les consultations, là, ils me reviennent. Nathalie, je l'ai vécu, ça, j'en reviens pas. Il y en a une, elle dit, elle n'est pas capable de se mettre en colère. Fait que là, on commence à parler, tu sais, c'est quoi la différence entre la colère et la rage, là, tu sais, puis tout ça. Non, ben là, on commence à parler, puis tout ça. Elle me texte par Messenger 2 jours après. Nathalie, elle dit, là, je le vois, qu'est-ce qu'on parlait. Donc, il y a toujours des mises en vibration. C'est que, à la différence d'avant, c'est que, comme je disais, moi, je donne pas de recettes. C'est les gens qui c'est juste par le questionnement va aller réveiller qu'est-ce qui est mort. Tu sais, là, qu'est-ce que les gens, là, tu sais, moi, j'appelle ça des tapisseries, là. Une tapisserie, là, tu l'as sur les murs, puis t'en vois plus. Puis c'est comme, ben regarde, l'as-tu vu d'une tapisserie en arrière de toi? Ah ben non, je l'ai jamais vu. Ah ben là, OK. Ah! Ben, puis là, ça part, là c'est effervescent, là, t'sais. C'est, en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir comment les gens fonctionnent dans ces découvertes-là, mais c'est surtout de parler. Parce que parler, c'est une action. Parler, c'est une mise en vibration, surtout quand tu es reçu. C'est là l'important. C'est que les gens vont parler pour se raconter le trois quarts du temps. J'en reviens, là, on brasse la même sauce, on rajoute la même soupe qui se passe, là, tu sais. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a Mais. une distinction ici importante à faire entre quelqu'un qui parle au niveau de l'âme pour se raconter puis rebrasser des anciennes mémoires versus parler vibratoirement ou créativement, là. Ouais, mais c'est que beaucoup de gens, ils ne sont pas capables de faire la différence, là, tu sais. Puis même encore, des fois, les gens vont être, ils vont mêler une mise en vibration ou une mise en émotion. T'sais. Ah, c'est sharp, il y a ça. Puis là, tu sais, t'sais. Mais une mise en vibration, c'est vibrer, agir. C'est pas vibrer ou penser, puis je sais pas, s'affiner en queue de poisson à quelque part, là, tu sais. Mais une mise en vibration, il y a comme c'est un mouvement qui est là sans réflexion. Bon, C'est ouais, quoi ben. pas réfléchir? C'est quoi pas Ouais, réfléchir? exact. Ben, tu sais, c'est l'adage là de Daniel Ménard là, entre autres, vibrer et agir, pas voyons, vibrer et réfléchir. Vibrer, c'est vibrer, réfléchir, agir, mais absolument, c'est vibrer, puis quand tu réfléchis, tu n'agis plus. Ouais. Parce que dans la tête, là, c'est comme, ah ben je l'ai pensé, là. On dirait que toute l'énergie a été utilisée à la pensée, donc ça a été récupéré par l'astral. Donc, il n'y a plus rien qui reste dans le physique, là. T'sais. Souvent, on va faire des choses, des fois, comment ça, j'ai fait ça? En tout cas, je ne sais pas si ça passe pour toi de même, là, mais moi, dans mon cas, comment ça, je suis rendue là. C'est juste je vais m'élever, à un moment donné, souvent, ben. Tu te dis pourquoi je me lève finalement, ben, tu continues, puis tu te ramasses, tu as fait quelque chose. C'est bien étrange, là, t'sais. Puis, t'sais, David, c'est pas parce que je fais des consultations, je suis foutue, t'sais. Ah, juste tellement pas ça, là. Demande. T'sais, le monde dise, ah ben toi, Nathalie, tu sais bien des affaires. Je sais pas tout. Je sais pas tout. Non, non, non, tu sais, je ne suis pas obligée de tout savoir non plus. Je vais savoir des affaires quand je vais le parler. Puis qu'est-ce que je vais faire avec? T'sais? Mais souvent, c'est que les gens, c'est l'importance de parler. Je leur pose la question, est-ce que quand tu parles, est-ce que tu apprends quelque chose de toi? Ouais, ben c'est une bonne question pour une mesure si la parole est vibratoire, tu sais. Ben. C'est juste là. Tu sais, parce que c'est comme le supramental, ça a l'air d'être un stade olympique, puis il faut performer. Là. On n'est pas loin de là. Là. C'est pas ça, pantoute, là. C'est juste proche. C'est là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, Bernard, il utilisait souvent l'expression, il dit le double, lui, là, c'est comme une flashlight, il va pointer la prise de courant là, pour ouvrir la lumière. Il va juste te donner la direction, mais il ne va pas ouvrir la lumière pour toi, là. Tu sais, c'est que les gens, ils pensent qu'ils vont se faire prendre en charge par le double, tu sais. Ben Ça ne non. marche pas de monde pantoute, là. Ben non, la Pas pour personne ça. aura à faire des actions dans la matière. Le double, c'est pas lui qui va faire les choses concrètes dans la vie comme nettoyer sa chambre ou tu sais, à manger, là. C'est ça, mais ça, on le sait, on le parle. Mais dans le concret, dans la vie des gens, comprends-tu, là? Ouais. Parce que souvent, moi, j'appelle ça les envolées supramentales, c'est que les gens ont l'impression d'avoir une information que les autres n'ont pas. Ah, moi, je sais quelque chose que tu ne sais pas. Ah ben ça, c'est s'ils font de l'orgueil avec Ah, la je connais ça. connaissance, là, tu sais, si les gens développent un orgueil spirituel, c'est le cas, là, c'est sûr. Ben, souvent, je vais intervenir, tu sais, des fois sur tu sais, des sites de. Il y a des regroupements Ben, supramentaux, je te il y a dirais. beaucoup de groupes Facebook là, présentement là, Ouais, avec le effectivement, supramental, là. ouais. Puis souvent, là, tu sais, j'écris pas beaucoup, mais je sais très bien que ça crée des chocs. Mais c'est pas le but de créer des chocs, Jase, quand c'est pas toi qui penses, là. Ou ben non, tu vas faire quoi avec ça, là? Tu sais, ça l'écrit 3 pieds de long, là. Tu fais quoi avec ça, là? Non, mais c'est pas. C'est que j'ai. Mais. Tu sais, David, quand je te dis, tu sais, je veux dire, je suis pas toute, là, je suis très Ben moi humaine, non plus, je j'aime sais ta pas sœur, tout. C'est pour ça que je fais des enregistrements avec du monde. C'est parce que je sais pas tout. là. Puis, tu sais, l'autre fois, j'ai appris, puis ça me c'est arrivé comme un épisode de baseball, là. À un moment donné, j'avais intervenu, puis je m'en souviens même plus, là. Puis la fille, mais c'est ça, je parlais à un moment donné, tu sais, il y en a une qui voulait faire du yoga supramental, mais une journée spécifique. Hein, tu sais, là, il y avait de quoi qui se passait là-dedans, là. J'ai dit, t'es-tu sérieuse, toi, là? J'ai dit, ça va faire quoi, ta méditation yoga, là, tu sais? Fait que finalement, on a eu une petite intercation. Puis ça me dit clairement, elle a son chemin à faire. C'est sa voie à elle. Chacun a leur direction, là. Puis c'est comme, je te jure, là, je pense que j'ai eu un coup de batte de baseball en avant puis en arrière de la tête. Ça a fait ding! Fait que là, ça a clair. On a toutes nos. Les doubles, le double, on va appeler ça whatever. Il y a une façon de communiquer avec nous qui est très individuelle, puis ça se transfère pas. Tu sais, comme elle, là, tantôt, elle dit, je parle-tu, là, ça dit en je, en tu, puis là, j'essaie de penser, puis là, tu sais, elle dit, là, je suis une mise en vibration, puis j'essaie de, j'écoute, je dis, t'essayes trop Ben, c'est d'intellectualiser, ça, puis tu qu'arrête perds. de se casser la tête avec ça, tu sais, comme Bernard de Montréal disait, si c'est intelligent, c'est intelligent. Ben, c'est ça, le simple. Qu'est-ce qui rend compliqué? C'est l'astral, c'est la pensée. Parce que tout est simple d'une certaine façon, puis je te le Ouais. dis, puis je me parle à moi en même temps, tabarnouche, c'est le fun, tu sais. Fait que, on a toujours toute tendance à essayer de compliquer, parce que plus c'est compliqué, plus on est capable de grimper à montagne, plus on est bon. Yes, on est capable. Mais, c'est de l'illusion totale, David, là. C'est fou, là. Oui, mais de toute Puis comment façon, je suis. quelqu'un qui est dans la conscience, il n'y a rien à prouver, il n'y a pas à grimper de montagne ou de faire des pirouettes intellectuelles. Si la personne est en contact avec elle-même, elle l'est, c'est tout, là. Ouais, mais c'est parce que c'est tout seul. Tu es en contact avec toi, mais avec les autres aussi, là. T'sais, on n'est pas intelligent tout seul, là. Là, c'est Ouais. bizarre parce que là, on est confiné, là. Chez nous, là, tout seul, là, tu te chicanes pas, t'as pas d'interaction, t'as pas rien, Ben, on t'es est correct, en retraite fermée malgré nous, un peu comme des moines qui vont au monastère ou des gens qui vont faire des séjours de méditation, Vipassana. Ben là, c'est ça, là, tu sais, mais cet événement-là va être reçu par les gens d'une façon différente, tu sais, c'est Ah comment oui. lire les événements, là, tu sais, il n'y en a pas un qui va avoir la même interprétation, là, tu sais. Ah oui, ben c'est sûr qu'il y en a qui, comme l'ego subit ça puis il l'a pas choisi. Les gens qui sont moins de tempérament méditatif sont plus dans l'action d'être arrêtés, vont trouver ça très dur. T'sais, ça va Mais faire. je veux Oui. dire, c'est que ce soit méditatif, que ce soit spirituel, que ce soit n'importe quoi, le fond, le gros là-dedans, c'est que ça l'arrache, ça l'enlève, toutes les habitudes. C'est là que ça peut devenir intéressant à regarder, là. Puis la peur, c'est que là, les gens, là, ils cherchent, là, ils cherchent des assises, là, où Ben ils oui, peuvent se reposer, là. il essaye d'avoir comme bouée de sauvetage des rouleaux de papier de toilette pour se sécuriser. Ben oui. Ça se congèle-tu, Ben non, ça, mais c'est ça. C'est comme la douceur du papier de toilette, c'est comme leur coussin de sécurité, tu sais. Ah, mon Quand Dieu, l'identité de regarde. quelqu'un repose sur l'accumulation de rouleaux de papier de toilette, je te dis que collectivement, on est dans la merde. Non, mais quand tu Ben, c'est regardes ça, ça, la là, ben oui. on est dans la merde collectivement. Que... En tout cas, c'est très bien relié. Exact, Mais mais ça, c'est pour te mettre un peu au parfum de la situation actuelle, ben absolument, là. c'est étrange, mais tu sais, c'est que cette histoire-là de papier de toilette, des bouteilles d'eau, OK, mais papier de toilette, là, c'est comme. Fait que ça, c'est juste pour te dire que la pensée, les autorités, Comment je te dirais, de un, c'est pas eux autres qui pensent, mais comment fonctionne une pensée? Là, les gens, ils se sont mis sur du collectif. Là, pourquoi ils achètent du papier de toilette demain? Mais je suis aussi bien d'en acheter. Peut-être qu'ils voient de quoi que moi, je vois pas, tu Oui, sais. ben c'est ça, il y a un effet d'entraînement, là, tu sais, c'est comme on voit dans les médias, que tout a commencé chez Costco, que se sont fait vider de ce papier de toilette, puis là, les gens disent, on va aller chez mon supermarché au cas où qu'il n'y en a plus, fait que je vais en acheter plus. Là, Ben il y a un effet oui. de pénurie qui a été fait à cause de ça, là, tu sais, il y a un effet d'entraînement de foule, comme on dit, là, ouais. C'est incroyable, mais ça, c'est le mouvement de la pensée collective, là, t'sais. T'sais, quand les gens, quand une pensée collective, ton pouvoir de décision est complètement anéanti. Tu fais juste suivre tu sais même pas Encore quoi. faut-il qu'il y ait un pouvoir de décision à la base, tu sais, dans le sens que si la personne, depuis qu'elle est jeune, est sur le pilote automatique puis inconsciente, elle n'aura pas, tu sais, elle n'est pas en contact avec l'esprit, elle n'a pas développé un sens d'identité, fait que depuis le départ, elle suit le troupeau, fait que là, si elle suit le troupeau, c'est d'acheter des papiers de toilette en gang, ben elle va Ben, continuer. c'est ça, là, t'sais, on y va par principe de tout ça. C'est que les gens ne sont pas en prise de décision, puis ils ne savent même pas. Exact. Ils sont habitués, là. À job, on y a dit de faire ça, là. Ils ne posent pas de questions. Parce que c'est tannant, quelqu'un qui pose des questions. Pourquoi tu fais ça, toi? Je peux-tu comprendre pourquoi tu fais ça, t'sais? Puis, ben là, toute la gang le fait, ben là, t'es tout seul dans le tas, là, à aller de l'autre bord, t'sais? Tandis que tout le monde va d'un bord, toi, tu vas de l'autre bord, mais pourquoi? C'est fatigant, du monde comme nous autres, là. C'est fatigant en temps, là, t'sais, dans la gang, là, t'sais? Mais c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a un arrêt, t'sais? Puis il y a un arrêt, puis c'est de savoir qu'est-ce qui rentre dans la tête. Êtes-vous en mesure d'identifier ce qui se passe dans la tête? Ça vient de qui? Ça fait quoi? Ça déclenche quoi? Là, c'est juste de mettre en lumière ça, là. T'sais, une pensée qu'on a toujours eue, là, t'sais, comme je parlais avec une amie, elle est sûre que quand elle rentre à quelque part, les gens ne l'aimeront pas. T'sais? Mais ça, c'est une pensée qui est tellement rendu loin qu'elle ne se pense plus. Mais là, c'est de questionner ça. Tu sais, ça passe dans la tête, là. C'est quoi ça? Tu sais, c'est quoi ça? Tu sais, moi aussi, quand je rentre à quelque part, là, moi, il y a de quoi qui dérange quand je rentre. T'sais. Je n'ai même pas besoin de m'ouvrir la bouche, ça dérange. Mais je l'ai toujours pris à ben là, quand je fais juste. Ben, je me suis tenue le dos rond longtemps parce que je ne l'ai pas dérangé. T'sais. Mais surtout que tu es grande, tu sais, les gens Ben. qui nous écoutent, ben tu es quand même pour une femme très grande, tu sais. Oui, oui. Fait que c'est sûr Mais que, ouais. t'sais, par manque d'identité, ça s'est logé à quelque part. Ben là, Nathalie, ben, le monde ne m'aime pas. Le jeu, le monde ne m'aime pas. Je ne m'aime pas là-dedans. Fait que par manque d'identité, il y a plein d'affaires qui se sont collées à nous. Mais avec l'histoire du supramental, puis au ne serait-ce que les mises en vibration, c'est qu'au lieu d'ajouter des choses par-dessus, là, on décolle des mémoires, on enlève des choses. C'est un épluchement total, tu sais. Mais à petite peau, là. Puis, tu sais, il y en a qui veulent être conscients, là, drette là, tu sais. Il y en a un qui l'a eu, c'est Bernard Montréal, là. Puis nous autres, là, ça va prendre. On va l'avoir juste à notre mesure, à nous autres. Pas une question, là, comment ça, tu sais, ici, puis ça. Mais je veux dire, c'est vraiment de. Tu sais, comme des mémoires. Tu sais, des mémoires, ça se brûle pas, ça se dépolarise, tu sais. Ça, c'est comme. T'as un tableau là, sur le mur, à un moment donné, tu ne le vois plus. Là. Il est là, mais il ne fait plus rien. T'sais. Tu ne le vois plus. T'sais. Mais c'est là, c'est encore présent, tu es capable d'en parler, mais émotionnellement, ça s'est détaché. Ouais, Donc, c'est ça ça, c'est s'est. plus chargé émotivement comme Et autrefois, voilà. là. Dans le fond, la personne est capable, dans une dépolarisation psychique, de regarder des événements qui sont passés, ben c'est ça, dans son passé qui était traumatique, mais là, il est capable Effectivement. d'être neutre psychiquement, là, par rapport à ces événements-là. Ouais. Puis, tu sais, une des choses qui se passe aussi, c'est la perte de mémoire. Là, aujourd'hui, ils appellent ça des Alzheimer. Coudonc, t'es-tu Alzheimer? Pas partout. C'est vraiment une protection extraordinaire, cette perte de mémoire-là. C'est que T'as plus à charger un gros sac là, alentour de toi, là. Ça se libère, ça se libère, ça se libère, ça se neutralise. Ça se neutralise, puis à un moment donné, il y a comme le taux vibratoire augmente parce qu'une mémoire, le taux vibratoire est tellement bas. Tout ce qui est émotionnel, le taux vibratoire est relié à ça. C'est bas. Tout est gros, puis oh, regarde, t'sais, on ne rentrera pas dans les types d'émotions là, ou des types d'entités qui sont reliées à ça, là, t'sais. Que ce soit la jalousie, que ce soit t'sais, les gens qui rentrent ils disent qu'ils rentrent en colère, c'est rien que la rage, là, t'sais. Puis c'est relié à des mémoires qui ont jamais été dépolarisées. C'est qu'une personne qui est en écoute, elle est capable d'écouter une personne, mais sans rentrer dans le tourbillon, dans le blender de l'autre, là. Ah, mais je regarde, t'as-tu vu ça, là? T'as-tu vu ça de même? C'est que les gens sont pas capables de tourner le 25 cents de bord. Des fois, ça prend quelqu'un, puis c'est doux, on n'est pas intelligent seul. C'est qu'il y a une personne, puis t'es pas obligé d'être dans le supramental. T'sais, des fois, ça peut être juste des trucs bien simples. T'sais, des fois, on s'enorgueillit d'être supramentaleux, là. Puis des fois, là, la Mais caissière. c'est sûr qu'en ce qui me concerne, j'utilise pas cette étiquette-là par rapport à ma personne, tu sais, à la différence de Bernard de Montréal qui disait qu'il était un initié, puis le répétait souvent en conférence. Oui, Le parce que. danger par rapport à... Ben c'est sûr que lui, il avait une fonction, là, il dégageait une vibration, mais le danger d'affirmer des choses, c'est que les gens nous figent dans une forme, puis là, à ce moment-là, ils cherchent à être nos disciples, puis t'sais, ça peut, dans certains cas, amener du dérapage, là. Ah, ben là, il va en avoir, il va en avoir. D'ailleurs, il y en a beaucoup, là, ça commence. Il y a beaucoup d'émergences. Je sais pas si tu as remarqué ça, là, tu sais. L'histoire de Bernard, tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, où j'étais séminarisée en 93. On en parlait, tu sais, j'ai participé quasiment à tout ce qui est conférence de Bernard et de Daniel. Daniel qui était très proche. Mais c'est qu'aujourd'hui, là, je ne sais plus ce que je m'en allais avec ça, là. C'est que les gens veulent, ils mettent une forme dans ça. C'est juste un état vibratoire à quelque part, là. C'est que tu vois les choses autrement. C'est que la lecture, les événements ne changeront pas. Mais avoir une lecture, quand ton taux vibratoire est plus élevé, tu as une lecture d'événements qui est haute. Ouais, ben c'est Puis ça, ça. c'est que l'individu, il pourra pas changer des événements collectifs comme le coronavirus, mais il peut changer Non. son rapport à l'événement dans le Voilà. sens de sa lecture, sa perception pour être plus neutre, plus objectif. Absolument. Mais même au niveau de notre programmation. T'sais, je veux dire, on en a une très, très, très individuelle, une programmation. C'est quand tu lis tes événements par rapport à toi, il y a des choses qui se passent, tu te sépares, tu as un accident, tu tombes malade, whatever. Mais c'est savoir dans quel état que tu es là. C'est toujours dans la lecture que tu vois les choses. Toi, tu es victime ou ben non, tu commences à parler pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé là. Fait que là, donc, tu dégages ton mode de pensée face à tel événement, parce que une personne, c'est un événement et nous sommes des événements pour les autres. Et parce qu'il faut jamais oublier que ça marche des deux bords, cette affaire-là. Ben oui, c'est certainement, là, dans un sens, tout est un... Même un enregistrement, ça peut être un événement pour les gens qui nous écoutent. Oui. Ben, tu sais, des fois, ça peut être banal, mais eux autres, comment ils perçoivent ça? Ah, tu sais, souvent, là, c'est que les gens, bon, puis sur les vidéos qu'on a fait, elle dit, t'as dit telle phrase, là, moi, ça m'a bousculé, là. Ah, OK. Ben, viens, regarde, on va en parler de ça, tu sais. Puis, tu sais, des fois, ça peut être tellement banal, mais pour l'autre bord du 25 cents, là, pour eux autres, c'est complètement. C'est un événement là, qu'ils n'ont jamais pu surmonter ou ben non, qu'ils n'ont jamais compris, puis ils ont toujours cherché une réponse, puis il n'y a pas qu'un livre, personne qui a trouvé une réponse. Hein, t'sais? Trouver une réponse, c'est neutraliser quelque chose, t'sais? Neutraliser des événements. T'sais? Parce que la fille qui s'est faite violer par whatever, là, tu sais, pour elle, c'est un événement important. Puis finalement, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont regroupées alentour de ça, puis toute sa vie, elle traîne ça, là. Ben, juste de parler de certaines petites choses, ça dégage. Ça dégage, c'est incroyable. C'est pas moi qui fais le job, pantoute, c'est elle. C'est C'est ça, mais elle toi, tu qui... l'accompagnes en étant capable J'accompagne. de l'écouter pour favoriser un dévoilement puis une expression de sa parole, une mise en puissance. C'est ça, tu sais. Puis, c'est comme je te dis, c'est pas une question d'être au-dessus ou en dessous, whatever, là. C'est que tu te mets dans un état, puis la personne, tu sais, les vibrations, ça se mêle, hein. Ça se mêle, là. Puis elle est dans un champ, là. Elle dit, il y en a une qui me dit, elle dit, toi, Nathalie, elle dit, quand on te parle, là, on dit, j'ai jamais de problème. T'sais? Ben, tu sais, il y a peut-être un. Moi, je suis pas dans le même mode vibratoire qu'elle, mais il y a un calme, elle dit, il y a toujours un calme qui est là. Puis elle dit, là, ça me permet de voir des choses. Tu sais, comme Bernard, il disait, un moment donné, il dit, tu sais, puis il y en a une conférence, c'est tout parler pour tout voir sur la générosité d'une personne. C'est vibratoire, ça. T'sais, le respect, c'est qu'il est à l'intellect. Là-dedans, aimer, c'est à l'ego, à l'intellect, tandis que Ben, la aimer, ça peut être générosité. vibratoire aussi. Oui, mais c'est parce qu'il y a trop de connotations mémorielles reliées à ce mot-là. Aimer, c'est vouloir protéger, respecter, c'est quoi? Ça résonne quoi l'amour dans toi? C'est parce Ouais. qu'on peut avoir des interprétations différentes. Puis, de toute façon, c'est un règlement vibratoire karmique d'une autre vie, quelque chose qui n'a pas été fini. Un couple, là, c'est toujours des règlements de Mais compte ça, ben attends une vibratoires. minute, attends une minute. L'amour, c'est pas tout le temps lié à quelque chose de karmique. Ça peut être aussi quelque chose qui est tout simplement dans le respect de l'autre, dans le ici et maintenant, là. Oui, c'est absolument, mais c'est prévu que deux personnes se rencontrent. Pourquoi? Ah ben parce que Ouais. sans doute des projets qui ont à faire sont dans l'esprit, ça va être dans une dynamique du projet ou pour un développement ou une évolution ou un rehaussement de taux vibratoire mutuel, là. Oui, c'est ça, mais c'est déjà écrit que c'est fait que les gens se rencontrent. Ouais. Donc, C'est ça, mais je veux dire, c'est déjà. c'est pas karmique dans le sens que c'est en relation avec un règlement de compte de liquider des mémoires astrales nécessairement. Tu sais, ça peut être une expression créative de l'esprit pour initier quelque chose de nouveau, mais pas nécessairement en réaction nécessairement à du passé. Encore. Sinon, il y aurait une neutralité, tu sais. Je veux dire, sinon, tu sais, si on parle de la septième rang, est-ce que la femme, elle sera même plus là, elle va juste être là en état vibratoire. Il y a plus de corps physique là-dedans, là, tu sais. Rendu là, oui. Mais Mais rendu à ce aujourd'hui. stade-là de septième race, est-ce qu'on va parler encore de femmes sexuées sur le plan biologique comme aujourd'hui? Ah, regarde. Ben Il c'est faut pas être. ça, c'est là que j'allais en venir parce que peut-être qu'on va être rendu avec des êtres de plus de type androgyne où il n'y aura plus besoin de sexe sur le plan biologique pour la procréation vu qu'ils ne seront plus dans un plan aussi dense. Mais là, ça, ça, souvent, les gens, tu sais, ils veulent savoir au niveau du futur, là, tu sais, est-ce que ça nous concerne? Là, on va rester tu sais, comme dans notre présent. Oh Mais oui, quand bien je sûr. parle de karma, Oui. c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, là, tu sais, c'est peut-être une continuité de quelque chose qui n'a pas été fini de l'autre bord, d'une autre vie, là, tu sais. C'est karma, ça ne veut pas dire tout négatif, entre guillemets, là, tu sais. Ben, c'est parce Tu sais, il y a des que. Ouais. continuités, là, tu sais. Ouais, ben, c'est pas, ouais, ça dépend comment qu'on l'entend. Parce que moi, la compréhension que j'ai de karma, c'est quelque chose qui est en réaction par rapport à des mémoires passées ou des choses qui ont eu cours dans le passé, donc qui vont conditionner le présent. Donc, Ben, c'est oui. oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est effectivement, tu sais, une batterie là, physique, là. Il y a des pôles positifs, négatifs. C'est la neutralité des deux qui fait que quelque chose se fonctionne. Comprends-tu, là? J'ai vendu des batteries, là. En passant, là, dans les batteries, il y a toujours une plaque négative supérieure aux plaques positives, là. Tu as des plaques de plomb là-dedans, là. Puis dans les dans le Dans la batterie, tu as des plaques négatives, mais toujours une supérieure en nombre impair aux plaques Ça, positives. c'est quel type Mais de batterie? les batteries plomb acide, je parle pas du lithium. Le lithium, c'est d'autres choses. OK. Mais tu sais, je vendais des batteries de chariot élévateur, là. Oui. Ça, c'était des batteries de 3 000-5 000 livres, là. Puis il y avait des cellules, puis dans chaque cellule, il y avait des plaques. Donc, chaque cellule avait ses plaques négatives et positives, mais il y avait toujours une plaque négative supérieure. Donc, dans la vie, si on y va sur ce principe-là, il y a toujours plus de négatif dans la vie qui se passe par rapport au positif. Parce que c'est dans le négatif que tout s'étend. On apprend. C'est quand tout va bien, c'est je qui se ramasse, que je vais bien, tout va bien, là, c'est ça le problème, là. Mais c'est dans le négatif que les gens. Il n'y a personne qui aime ça, mais c'est là-dedans que les lectures changent. C'est soit que si tu n'es pas victime, ta lecture va changer. Oui, OK? ben dans le négatif, c'est souvent à travers ça que les gens vont évoluer, parce que dans le positif, les gens ont Absolument. tendance plus à faire du surplace, tout va bien, pourquoi changer quelque chose? Ah, le jeu. C'est ça le Oui, problème. ben Quand le jeu surdimensionné dans le positif, tu. c'est, mettons, le président des États-Unis va dire: Ah, l'économie va bien à cause de moi, c'est moi qui est au pouvoir, c'est moi qui ai fait ci, qui a fait ça, puis quand ça va pas bien, ah, ben c'est l'ancien parti qui est au pouvoir, ou c'est la Chine ou d'autres pays, tu sais. Ben là, ça c'est. Mais eux autres le font. Puis trois quarts des gens, c'est à cause de, là, tu sais. Oh oui, ben on À voit ça cause chez de. C'est à les cause. politiciens. Quand c'est des bons coups, c'est eux autres en jeu qu'ils réfléchissent. Puis quand ça fait pas leur affaire, ben ils accusent les autres. Puis c'est pas de leur faute, tu sais. Ouais, c'est comme là-dedans. Je gagne, tu perds. Ben, soit que vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes, comme vous avez déjà dit un président américain dans le passé, là. Ouais. T'as qui ça? Ben, c'était Bush fils. Quand Ah, il y a eu les OK, ouais. attentats du 11 septembre, suite à ces derniers, avait déclaré soit que vous êtes avec les terroristes, donc, mettons, les gens qui Ouais, sont c'est ça. l'État islamique, puis ben, c'était Al-Qaïda dans le temps, en Ouais. Afghanistan, ou vous êtes avec nous autres, c'est un ou l'autre, là. Tu sais, ça crée une dualité, il y a une polarisation qui est visée à travers le discours pour forcer la personne à prendre position dans un camp ou À l'autre. prendre part, c'est ça, Ouais. effectivement. Mais c'est que, tu sais, la neutralité, c'est l'équilibre des deux. Fait que, tu sais, c'est le karma, c'est l'équilibre des deux. Puis le Ménard, il disait tout le temps, il dit, quand on meurt, là, tout arrive égal là, par rapport. Tu sais, il y en a qui. Lui, énergétiquement, c'est important qu'on arrive égal. Tu sais, on fait la paix avec bien des affaires, là. Tu sais, pour se libérer du karma. On se libère, ça. Tu Mais sais, le karma, là. ouais, ça, je suis pas sûr que les gens meurent d'une manière avec une conscience neutre, parce que sans ça, ils ne se réincarneraient pas. T'sais. Il doit y avoir un déséquilibre qui les amène à se réincarner pour rebalancer dans une autre vie future leur karma. Bon, c'est voilà, c'est ce qu'on parlait tantôt. Le karma, c'est pas toujours un crash, là, tu sais. C'est voulu, c'est déjà écrit qu'on va vivre telle affaire. Par contre, quand on parle, tu sais, parce que quand ça vient du double, c'est la verticale, ça, c'est pas écrit nulle part, là. C'est la différence, là. Tu sais, la voix qu'on entend par en dedans, là, qui aucunement mémorielle et aucunement émotive, souvent, ça va te parler, mais ça, on appelle ça la verticale. L'horizontale, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Tu sais, c'est d'intégrer ça dans la matière, dans le corps, là, tu sais, le corps, c'est une matière, là, tu sais. En fait, c'est le regroupement, c'est la densité de tous les autres corps qu'on a, tu sais. Mais ce langage-là, il n'a pas été écrit nulle part. Puis c'est ça qui est tout nouveau, là. Toute cette nouvelle information-là, entre guillemets, info, là. Mais ça part de nous autres et ça va vers l'extérieur, non plus de l'extérieur vers nous autres. Ça a toujours été le même depuis longtemps, là, tu sais. Oui, la personne apprend à émettre l'information au lieu d'être tout le temps le réceptacle pour se faire remplir par les autres et les politiciens. Mais c'est en plein ça, là. Mais c'est là que c'est important de savoir ce qui se passe dans nos têtes. Ça vient d'où? C'est quoi ça déclenche, là? Surtout, on regarde au niveau du virus, ça déclenche quoi comme pensée? C'est quoi l'entité qui est là, en arrière? C'est lui qui a peur? T'sais, ça doit spinner en terre, là. J'essaie juste là, de le parler pour voir qu'est-ce qui se passe, là. C'est comme un gros autoroute, là. Tu sais, tout le monde s'accroche à ça. Si t'as pas de gravité, de densité, t'es absorbé, t'es magnétisé par tout ça, Oh là, oui, tu les sais. gens sont absorbés par ça, ils sont pas assez ancrés dans la matière. Mais non, tu sais, puis c'est Exactement. important de développer la densité. Mais vous, les hommes, vous l'avez, cette densité-là. Nous ne nous La femme, affolons elle pas, les gens qui ont dévalisé les magasins, là, il y avait des femmes et des hommes puis, est... qui étaient sous l'emprise de la peur, puis il faut faire des provisions, là. Ah, ben les hommes emmenaient plus de papier de toilette, sont plus forts. Mais Mais je ce pense pas que que je les veux dire, individus masculins soient plus stables psychiquement que les femmes là, à ce non. niveau-là. Mais en fait, le principe homme, c'est la densité, puis le principe femme, c'est elle est éthérée. Donc, tu sais, le fameux livre, Les hommes viennent de Mars, la femme de Vénus, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est pas du tout fabriqué de la même façon. Aucunement, là. Au niveau psychique, au niveau, il n'y a rien. Il y a des ponts qui vont s'établir, karmiques. Il y a des ponts de communication qui se font, mais sinon, on ramerait toujours du même bord, là, tu sais. C'est ça, qu'est-ce qui est intéressant au niveau de l'homme puis de la femme, c'est les polarités qui mergent, là, ensemble, là, tu sais. C'est deux énergies, contraires qui enclinent une troisième, qui crée la verticale là-dedans, là, tu sais, si on regarde ça, tu sais, l'homme, la femme qui se rencontrent, ça crée une troisième énergie qui est l'enfant, finalement, à quelque part, là, tu sais. Ouais. Mais au niveau énergétique et psychiquement, c'est la même chose, là, tu sais. Tout ce qui est sur la planète, tout ce qui est ici, c'est là de l'autre bord aussi, là, tu sais. Exactement. C'est sûr que la personne peut intégrer aussi le yin et le yang à l'intérieur d'elle-même, autant qu'elle soit homme ou femme, dans le sens qu'elle peut intégrer les différentes polarités à l'intérieur d'elle-même, au lieu qu'il y ait une division intérieure, tu sais. Ah, ben là, ça, c'est la division intérieure. Regarde, là, ils vont en avoir des divisions parce que là, la planète est divisée, là. Fait que, regarde qu'est-ce qui se passe, là, présentement avec le virus, là. Oui. Là, ils nous divisent tout. Fait qu'imagine, imagine le crash que ça va créer, là, tu sais. C'est Oui, c'est que... sournois, puis c'est insidieux, puis c'est paradoxal dans un sens, parce que, tu sais, au nom de la solidarité de l'individu par rapport au peuple, il Oui. faut, d'une manière solidaire, rester tout seul, enfermé chez soi en période de quarantaine, minimiser pour les gens qui ont voyagé à l'étranger ou minimiser les déplacements. C'est drôle Oui. comme formule, là, tu sais, t'es solidaire du collectif en t'isolant de plus en plus sur le plan individuel. Ouais, ben oui. Mais ça, c'est pas de l'individualité. Ça, c'est l'individualité se fait. C'est une direction qui se passe. Au niveau de Ah l'individu, là, tu sais, oui, il ben se oui, c'est ça, détache. ça prend de la conscience, là, c'est tout simplement C'est ça. un mouvement de masse qui est amené par le collectif pour diminuer l'épidémie là, du coronavirus Oui, puis diminuer les oui. contacts sociaux là. C'est en réaction à Ouais. ça, mais c'est pas un mouvement qui vient de l'individu vers l'extérieur, ça c'est clair là. Non. Non, non, c'est effectivement clair, mais ça peut être bien intéressant à regarder ce qui se passe présentement, puis ce qui se passe au niveau, tu sais, les gens. On n'est pas intelligent tout seul, donc ça veut dire qu'ils essayent de séparer les gens pour pas qu'on soit trop intelligent. Comprends-tu, là? Je veux dire, on peut parler à distance comme on fait là, mais tu sais, quand on parlait ensemble, c'est complètement différent, là, cette affaire-là. Non, c'est ça. Quoi Effectivement, là, que, une dans le fois que fond, tu es moi, là, je donne pas d'intention machiavélique consciente au gouvernement, là, dans les sociétés occidentales, de vouloir diviser les gens pour régner ou de trucs plus conspirationnistes. Je dirais pas sur ce terrain-là. Par contre, implicitement, la situation amène ça, tu sais. Il y a une division au niveau physique des gens, quoique avec les médias sociaux puis Internet, ben aujourd'hui, on peut vivre des communications, mais pas en physique, mais en virtuel, comme on le fait présentement. Oui, absolument. Mais par contre, encore là, si on revient sur ceux qui prennent les décisions par rapport à ça, il y a de quoi qui a été fait bien avant que ça se passe, ça, là. Puis, c'est pas eux autres qui pensent. Oui, mais le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont pas conscients que c'est pas eux autres qui pensent, parce que c'est pas des initiés en général qui dirigent les pays. à l'heure Non, pas du actuelle. tout. Donc, Pas à du ce tout. moment-là, c'est des gens qui sont manipulés à leur insu, qui vont manipuler par la suite les citoyens en fonction des entités qui les manipulent en leur acheminant des pensées. Fait que c'est assez subtil, là, ce qui se passe là, comme situation planétaire, là. Ça va être bien intéressant de regarder qu'est-ce qui va se passer là, dans pas long. Parce que tout est accéléré. Tout s'accélère, là, tu sais, tantôt on parlait de communication, la rapidité avec l'information, avec l'information à la vitesse à laquelle elle se propage. Donc, énergétiquement, là, c'est là également, là. Donc, les mouvements de masse vont se faire plus rapidement. Là, il n'y aura pas de mesure de guerre, là, mais Ben, quoi que ça commence à ressembler à ça dans certains pays, tu sais, je regardais par rapport à la Chine où à cause du coronavirus, des gens se faisaient cogner à la porte chez eux, puis ils étaient obligés là, de répondre, puis ils prenaient, les autorités, les policiers prenaient leur température, puis ça faisait de la fièvre, ils pouvaient être amenés de force là, dans un camion en bas de leur résidence, puis confinés là, sans leur consentement, là, tu sais. C'était très autoritaire là, comme façon de faire, là, un peu comme une dictature. Tu sais, ça me faisait quasiment penser à l'Allemagne nazie où ils allaient chercher les gens chez eux, puis la personne n'a pas son Pour mot les à dire, sortir. puis elle là, est amenée de force par la suite dans le fourgon, là. Effectivement. Mais encore là, si c'est pas eux, les gouvernements qui pensent, c'est qui en arrière de tout Ben, ça? c'est ça! Tu poses la bonne question aussi. Qui est derrière eux autres? Ou c'est quoi? Oui, exactement, parce que c'est peut-être pas du monde. Pas du monde dans Voilà, le sens qu'ils sont pas premier pas. gentils. T'sais, on dit quelqu'un qui est pas du monde, il est pas gentil, mais Voilà, c'est c'est sûr ça. que dans le fond, quand on parle de l'astral qui va Oui. chevaucher les gouvernements, puis aussi ben, le plan mental ou le plan éthérique qui va chevaucher les individus, c'est sûr qu'il y a différentes entités qui peuvent être derrière les pensées des individus. Puis là, ça devient des fois subtil de se démêler dans tout ça. Écoute, tu sais, le doux va utiliser l'astral. En bout de Oui. ligne, le doux utilise l'astral. Puis ils vont utiliser l'astral jusqu'à temps qu'on va leur dire au double, hey, là, j'ai vu ta game, là. OK? Bâtir, là, c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Et non subir la Exactement. pensée. Ils veulent OK? qu'on développe la volonté, mais paradoxalement, ils créent une situation ou laissent se créer une situation où on est étouffé, puis il y a des abus, puis là, il faut que la personne elle se fâche, puis elle conteste les abus, puis les autorités pour monter en vibration, tu sais. En plein ça, là, tu sais, tu regardes un film de héros, là, ils viennent toujours là, attachés à quelque part, m'emmener, oh, Ils font éclater les chaînes, ils là, font éclater les ils vont formes. éclater les chaînes, mais les forces veulent qu'on se libère de ça, là, tu sais, le courant électrique, notre courant électrique, la colère, là, regarde, ça arrête là, j'ai vu ta game, OK? Par Ouais. contre, si on revient à, tu sais, ces gouvernements, c'est pas eux autres qui pensent, c'est pas eux qui pensent. Les plans ont un agenda avec nous autres. Fait que là, c'est mis en situation, là, tout ce qui se passe. Puis là, c'est assez gros qu'on le voit, là. T'sais, avant, c'est juste par petits individus, des petits mouvements de masse de même, que ce soit n'importe C'est quoi, ça, là, mais t'sais, là, que les la guerres, tout ça, là. mondialisation, c'est planétaire, parce que la nouveauté, c'est qu'autrefois, des pandémies puis des virus, il y en a déjà eu, tu sais, il y a eu toutes sortes de grippes, H1N1, etc. Ben, quoi que ça, c'est plus récent, c'était médiatisé, mais je veux dire, autrefois, là, même au temps préhistorique, il Oui. y en avait des virus, là, tu sais, c'est de... Absolument. Même avant que l'être humain existe, il y avait déjà des virus sur Terre. Fait que le point, c'est que c'est la mondialisation qui fait en sorte que tout le monde est interconnecté avec d'autres personnes un peu partout en temps réel, qui modifie le rapport au virus ou aux épidémies, tu sais. En plein ça. Sauf que le plan qu'ils veulent installer dans les forces, c'est le gouvernement mondial, là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Dans le scénario qui est là, ils sont en train d'étudier, voir comment on organise mondialement tout ça, là. Eux autres, ils l'ont, pas eux autres qui pensent, mais ils se font penser que là, on va le regarder, là. Il y a quelqu'un qui va se concentrer, puis il y en a un qui va décider. Ça va être centralisé, là, au niveau d'une tête, là, tu sais. Fait que là, mais encore là, on verra jamais la face cachée en arrière de tout ça, là. Ça va prendre une couple d'années, là. Mais c'est que c'est pas d'une nature terrestre, qu'est-ce qui se passe, là. Vraiment pas, là. On va aller plus loin que ça, là. Les forces, là, tu sais, la régence planétaire a commencé à s'installer, puis c'est bien clair, là, t'sais. Tu sais, on a toujours pensé que les petits oiseaux et les arbres, ils vont fleurir à longueur de. Non, c'est pas par là, là. Tu sais, il y a beaucoup d'élimination qui va se passer présentement. C'est ce qu'ils veulent. Tu sais, je veux dire, pourquoi qu'il y a eu beaucoup d'une surpopulation, c'est que l'astral était en urgence de s'incarner parce que ça se passe pas bien aussi de l'autre bord, là. Tu sais, ils savent qu'il y a des gros mouvements qui se passent, là. Ça fait que là, à un moment donné, là, il va y avoir une élimination là, de masse. Là, ça va revenir de l'autre bord, mais là, il va y avoir un rond très rapidement pour ça qu'il va y avoir des clones. Parce que là, il n'y aura plus assez d'humains à naissance Ben pour là, accueillir toute l'astral. ouais, ça c'est un autre sujet, là. Éventuellement, il y aura Oui. du clonage d'êtres humains, mais avant d'en venir là, parce qu'on est quand même là, plusieurs milliards d'habitants sur la Terre, Oui. c'est sûr que ce qui va arriver, sans doute, tu sais, les épidémies ou les pandémies, on est plus susceptible d'en avoir parce qu'il y a plus de monde, puis il y a plus de possibilités qu'il y ait de porteurs de virus. Tu sais, il y a rien d'occulte ou d'ésotérique là-dedans, c'est juste la loi des probabilités, des statistiques, tu sais, quand on regarde ça. D'un point de Ouais, mais vue, le virus a un taux vibratoire aussi, hein? Tout est énergie, là. c'est certain. Puis l'individu qui le reçoit, puis qui développe la pathologie, puis il en vient à mourir, a un taux vibratoire aussi particulier. Ben, là, ça va avec, là. C'est, je veux dire, t'es Exactement. réceptif au taux vibratoire de la peur crée le champ vibratoire du taux vibratoire du virus. T'sais? Bien, c'est sûr Regardez le que même, la peur là. rend disponible au virus davantage, parce que si quelqu'un a tout le temps peur, puis il fait de l'anxiété, puis il s'empêche de dormir, il affaiblit son système immunitaire, ce qui fait en sorte Oui. qu'il devient plus réceptif au virus par la suite. Ben, c'est ça, mais c'est parce que tu te connectes au taux vibratoire de ça, là. Ben, un taux vibratoire, là, c'est, je dirais, un échelon là-dedans, là, tu sais. C'est comme des pièces de puzzle, là, tu sais. Le virus, là, il y a quatre bouts, là, qui dépassent, là, d'une pièce de puzzle, là. Puis toi, avec la peur, ça crée des enclaves dans nous autres, puis là, hop, ça fit, ça, Ça là, tu s'enchaîne, sais. c'est comme une Fait que note de là, ça. mieux. Ouais. C'est en plein ça, là. Ouais, c'est ça, Fait c'est que. comme une clé qui rentre dans une porte parce que de la bonne grosseur, tu sais, sur la bonne longueur d'onde, un peu comme la Exactement. musique, tu sais, si tu entends un son, puis tu chantes, puis tu fais le même son, ben il y a une résonance énergétique qui Non. s'installe, une Absolument. harmonique. Ouais, fait que Absolument. c'est un Mais lien, oui. c'est sûr qu'il va être intéressant à observer. Tu sais, Ménard m'a toujours dit, la dernière fois que j'ai vu physiquement Oui. Daniel, c'est, il me regardait, je me souviens encore de son regard. Il dit, Nathalie, demeure en observation. Ça, c'était même pas une question, là. C'était même pas, c'était un ordre, t'sais. Demeure en observation, puis j'ai resté figée, là, parce que moi, je devais quitter la table. Là, je comprends qu'est-ce qu'il voulait dire, Ouais, ben quoi là. que ouais. En demeurant en observation, c'est que tu n'es pas dans le. Comment je te dirais? Te donner une image simple, c'est que tu es en forêt. Quand tu es dans la forêt, tu ne peux pas observer. Quand tu es au-dessus de la forêt, tu es capable d'observer qu'est-ce qui se passe. En voulant dire, quand tu demeures en observation, fait que tu es toujours en retrait des tourbillons, là. Fait que demeurer, observer comment ça se passe dans la tête des gens, comment ça se passe, tout ce qui est sujet au virus, là, ça veut dire, ça ne va pas nécessairement dire qu'on va être à l'extérieur, mais tu sais, c'est peut-être, si on fait l'image, c'est une goutte d'huile dans de l'eau. Tu es dans l'eau, mais tu n'embarques pas dans l'eau, mais tu es dans l'eau. Ouais, mais c'est ça, C'est mais tu te noies pas dans l'eau parce que t'es pas submergé par le liquide ou ça. tu sais, si on le prend dans un autre sens, les émotions, tu sais. Quelqu'un qui En plein observe, ça. il est capable d'être centrique, puis il se fait pas déraciner par l'événement, il se fait pas sortir de sa paix de l'esprit, puis pollué psychiquement par le virus virulent là, de la peste émotionnelle qui peut être véhiculé là, sur Internet là, par rapport au coronavirus. Là, tu sais, il y a des gens qui vont dire en lien avec ça, ah, c'est quasiment des, comment on appelle ça, là, des prophètes de malheur, là, qui, tu sais, c'est comme si c'était la fin du monde, là, tu sais. Ah, mais eux autres, là, il va toujours en avoir des lanceurs d'alerte de cette façon-là. Ils portent des pancartes, eux autres, là, t'sais. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils font partie du même bateau, là. Pas eux autres qui pensent non plus, Non, non, c'est ça, ils sont programmés pour dire qu'il va y avoir une fin du monde, puis chaque événement en choc, il y a des gens qui vont exagérer ça aussi. Fait que c'est sûr que, dans mon optique, l'observation auquel tu fais allusion, c'est très pertinent dans le sens d'observer ce qui est là sans chercher à l'émotiver, là. Ben, c'est ça, mais c'est en parlant qu'on défait tout ça, là, t'sais. T'sais, je veux dire, on fait partie de, t'sais, je veux dire, ma famille, là, je regarde ça, là, tout le monde panique, là, t'sais, ma mère, le Seigneur, t'sais, ça panique, puis ça panique parce qu'elle est recluse, ça panique parce que elle, c'est une femme très active, puis elle a besoin de sortir, puis là, on l'oblige à rester dans la maison, ben là, ça panique. Ben après ça, mais elle écoute TVA toute la journée. Hey, t'as ça, elle a un matel 20 fois. Là, il faut rester 14 jours dans la maison. Hey, les impôts, là, Nathalie, là, c'est jusqu'en juin, là, elle est au courant de tout, là, je dis, non. Va regarder autant n'importe le vent, là, ça va très bien. C'est une belle fin là-dedans, là, tu sais, Oui, mais. ben, c'est parce que ça me fait penser à ma grand-mère qui, elle, est retraitée. Elle est rendue à 96 ans, puis elle sort plus de chez elle. Puis, tu sais, elle passe ses journées à regarder la TV. Puis là, elle avait des difficultés à avaler. Puis là, je disais à ma mère, à la blague, j'ai dit, c'est sûr qu'écouter des nouvelles demain, ma journée longue, c'est difficile à avaler comme situation. Ben, absolument, C'est là. sûr Puis là, que ça ça crée des... s'imprègne, là. Tu sais, ça crée des tensions. Quelqu'un qui est tout le temps crispé à cause du stress, à un moment donné, t'as de la difficulté à avaler, t'as de la difficulté à dormir, puis ça peut mettre une personne à terre, là. Ben, c'est parce que ça crée une ambiance, je l'ai senti, celle-là, là, cette ambiance-là, là, jeudi passé. Ça a commencé jeudi passé, là, j'ai été au Maxi, là. Je suis avec une amie, là. Là, mais en me levant le matin, je dis, elle avait couché chez moi, là, je dis, il y a quelque chose qui marche pas aujourd'hui, là. Au départ, tu sais, je l'ai pris dans le jeu. Pourquoi je suis nerveuse de même, tu sais, j'ai dit, y a-tu de quoi, y a-tu de quoi, y a-tu quelque chose? Finalement, que j'ai commencé à parler avec elle, je dis, non, ça nous appartient pas, là, on est entouré de cette ambiance-là, là. Fait que là, on a vu que, on était à l'épicerie, là, puis c'est là que j'ai vu qu'est-ce qui se passait, là. Moi, ça me prend, ça, physiquement, ça me prend dans les oreilles, puis juste en dessous de la gorge, là, puis quand ça rentre, OK, ça, je sais. Là, j'ai embarqué dans le blender, là, mais je flottais sur le dessus. Je suis rentrée dans le maxi, là. Là, j'ai vu ça, là. Si je suis rentrée dans la voiture, là, j'allais pour un affaire. Je voyais les paniers, là, débordés de partout, là. Là, je dis, OK, là, je suis rentrée dans le champ, là, je dis, retiens la date, c'est aujourd'hui que ça commence. Ouais, ben c'était la journée jeudi L'impact. passé où je ne m'abuse, le premier ministre du Québec, le François Legault, avait décrété l'état d'urgence sanitaire, puis là, les gens ne pouvaient plus se rencontrer à 250 personnes et plus. Puis là, ça commençait les mesures. Fait que là, il y avait une tension qui s'installait, là, tu sais. Attends, c'est-tu jeudi? C'était mardi ou mercredi. C'est avant les mesures sanitaires, l'urgence OK. sanitaire, c'est avant ça. OK. Ça fait que là, c'est que là, si tu n'es pas conscient de qu'est-ce qui se passe en observation, là, tu rentres dans cette ambiance-là, là. Exact, puis t'absorbes ça. Puis là, ça se ramasse dans le jeu, cette affaire-là, là. Fait que là, tu sais, j'ai parlé avec ma chum, Julie, puis j'ai observé ça, là. Puis là, on a commencé à parler, je me souviens plus de quoi, là. Puis là, c'est comme ça nous a retiré de ça. Alors, on a vu la game, on a vu ce qui se passe, là. Fait que donc, c'est là, c'est bien important de communiquer, de parler, puis d'être reçu. Tu sais, on a cette chance-là d'être elle et moi ensemble, puis on parle beaucoup. Puis ça nous fait voir énormément de choses. Tu sais, c'est pas en pensant tout seul dans ta tête, tu fais juste rebrasser la même soupe, là. C'est important de communiquer. C'est là qu'on voit tout, là. C'est que t'es pas intelligent tout seul. C'est la réceptivité et l'échange qui est bien important. Puis c'est bizarre, tu sais, on parlait tantôt de les gens, le gouvernement nous isole, mais c'est là qu'on va se rapprocher le plus des gens. Dans le Bien, je sais. sens. Bien, dans le sens, c'est que les gens vont communiquer encore plus entre eux autres, là. Ben, à travers les nouvelles technologies, là, parce que les gens sont chez eux, Oui, puis ils vont être plus mais sur c'est pas rare. Facebook, puis tu sais, sur les réseaux Oui. sociaux, hein. Oui. Comment on fait là? Comment on fait là? Je Ouais. trouve ça bien intéressant. Tu sais, c'est. En tout cas, puis, les passés, là, tous les scénarios là, de tout ce qu'on a passé, là, de tout ce qui a été pensé, là, les gens vont mettre ça dans le futur, puis là, ils ne sont plus dans le présent. C'est ça qu'ils sont dans le passé ou ils sont dans le futur. Les gens seront plus capables d'être dans le présent. Ben, ils l'ont-ils déjà été capables? Ça, c'est une autre histoire, là, tu sais. Les Bon, gens ça, qui... c'est une bonne affaire, c'est Ben, vrai, c'est exact. ça. C'est parce que, tu sais, des fois, les gens, tu sais, on va dire, ah, ils sont plus capables d'être dans le présent. Ouais, mais ils l'ont-ils déjà été? Parce que pour être dans le présent, ça prend de l'esprit. Ça prend une présence d'esprit qui habite la personne, tu sais. Ça prend une colère. Ça prend une colère. Une capacité de Une colère. contestation qui permet d'amener une présence d'esprit plus grande par la suite, c'est sûr. Ouais, mais c'est qu'une colère, ça ramène à nous autres. C'est un champ électrique à nous autres. Je reviens toujours sur l'exemple dans la matrice quand ils étaient dans leur vaisseau, là, t'sais, en dehors de la matrice, là. Oui. Puis, t'sais, quand les bébites, là, ils venaient détruire le vaisseau, ils allumaient un champ électrique, là, puis ils mouraient tous alentour. Le nébulot, là, Des qui s'appelait, bulots canosaures, si je ne me trompe pas, là. là. C'est bon. Oui. Tu serais bon pour jouer à Scrabble. Puis, il mettait un champ électrique alentour du vaisseau et tout ce qui attaquait le vaisseau tombait, mourait. Ça tuait leur courant électrique à eux, là, aux bébites. Ouais, qui... Mais la colère a ce même effet-là. Là. À un moment donné, OK, là, ça arrête là. C'est pas crier, hurler, puis à coup de poing sur les murs, pantoute. Mais ici, C'est un c'est champ. important de clarifier aux gens que tu parles d'une colère vibratoire, pas une colère Oui. émotionnelle, là. Non, je parlerai de rage. Émotionnel, c'est de la rage. Là, t'sais. Ça crée le désordre. Ça crée. T'sais, ça l'entraîne un paquet de personnes. Ça l'entraîne un chaos total. T'sais. Tandis qu'une colère, c'est froid. C'est pas une attitude, mais c'est froid à un moment donné, là. C'est que ça te met en vibration. Là, il y a de quoi qui se dégage de nous autres. Là. OK, là, ça l'arrête là. C'est de Exactement. Fait même. que c'est sûr que la colère, un peu comme le vaisseau du film La Matrice, peut émettre un champ d'énergie qui va faire en sorte que les ventouses astrales, les entités qui cherchent à se brancher sur nous pour se servir de Ouais. nous comme des batteries pour nous siphonner notre énergie vitale, ben Ouais. ils vont être obligés de se distancer parce qu'ils ne seront pas capables de tolérer cette énergie-là, un peu comme les poissons qui ne tolèrent pas l'eau chaude, puis C'est en plein ils n'iront pas, par exemple, dans le sud, là. ça. Non. Puis c'est le taux vibratoire, c'est que tout ce qui est astral, c'est très bas. Mais il y a du haut astral, là, on va parler du spirituel, du positif, puis whatever, là. Oui. Mais c'est que c'est un taux vibratoire différent qui se détache de tout ça, là, des polarités, là. Tu sais, c'est comme, puis là, ça te ramène dans le présent, là, hallucinant, là. Puis c'est comme, il n'y a plus rien qui se passe dans la tête, là. Tout est là, puis rien est là, le vide plein, là. Il se passe là. Donc, c'est une colère qui est là. Mais c'est que quand on parle de ça, c'est pas que les gens, il faut qu'ils se mettent en méditation pour arriver à ça, là. Non, pas tout, là. C'est pas ça, là. Des fois, ça peut juste être passer le balai, là. T'sais, quand je te dis, c'est tellement simple, les choses, là. T'sais. C'est que les gens souvent sont en inertie. Là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Finalement, il n'y a rien qui se fait. Hey, c'est de la merde. À un moment donné, OK, là, on arrête ça là. Là, là. Ouais, ben c'est sûr Mais. qu'il y a des pros de la procrastination, tendance à remettre à plus tard puis être dans la passivité. Ouais. Mais ça fait partie de leur programmation aussi. Où il y a des fois, c'est que. T'es programmé pour faire telle affaire, mais ils te font penser que tu devrais être président des États-Unis, là, tu sais. Mais là, ah, parce que tu le fais pas, tu fais rien, là, tu sais. Ça dépend de quel point de vue tu le regardes, là, tu sais. Il y a bien des gens qui pensent que Oh, je suis en inertie, mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables de juste de reconnaître ce qu'ils font. Ouais. Ouais, mais Il y c'est en un a qui problème de bougent. Ça... lecture à ce moment-là, C'est toujours un problème de lecture. Le trois quarts des problèmes, là, trois quarts et trois quarts et 99,9 % des problèmes, c'est relié à un problème de lecture. Fait que les gens ne sont pas capables de voir la réalité des choses. C'est toujours filtré par un événement passé. Ouais. Fait que les gens, c'est là encore, je reviens, le besoin de tout parler pour tout voir. C'est important de parler. Donc, tu sais, c'est, ah, mais je dirais pas ça, ça va le faire fâcher, puis ça va le, tu sais. Mais par contre, avoir une écoute d'une personne, moi, là, tu sais, je vais te parler, là, on n'est pas nécessairement d'être en accord tout le temps. Tu vas m'emmener quelque chose d'autre qui peut être, ah, regardons ça, je l'ai pas vu de même. Ah, ça, c'est intéressant, tu sais, au lieu d'être égoïquement parlant, tu veux-tu m'apprendre quelque chose, toi, là, tu sais? Non. T'sais, je veux dire, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses. Comment je dirais? Il y a tellement de matière, il y a tellement d'états, il y a tellement, tu sais, mais Ah ben encore là, c'est infini, après tout, l'esprit est infini. ben là, l'esprit, c'est infini, c'est tout, Bien, c'est ça, c'est mais on tout, peut c'est ça, parler à là, l'infini dans le sens que l'esprit peut créer une infinité de formes parce que c'est un principe créatif qui est capable de s'auto-générer perpétuellement. ben oui, parce qu'il sort de la mémoire. T'sais, la mémoire, lui, c'est un creux, là. C'est un creux, là. C'est du vécu, il n'y a plus de vie, là. T'sais, c'est comme. T'sais, je veux dire, la seconde vient de passer, on ne la retrouvera pas, là. T'sais, ça fait 2 heures qu'on parle, là. T'sais, je veux dire, les 2 heures qu'on vient de parler, on ne la retrouvera pas, là. T'sais. Fait que, t'sais, sortir de la mémoire, puis parler, puis apprendre quand on. Tu veux savoir vraiment, là? Tu veux vraiment savoir quand t'es branché, là, quand tu parles et que tu apprends, là, déjà c'est un bon départ, ça, là. That's it, là. T'sais? Ah, mais comment je fais ça? Ben, parle. T'sais, tu vas te poser une question, là. T'sais? Ben, attends une minute, là. Non, tu penses trop. Dis n'importe quoi. Parle ça. Ménard faisait faire ça souvent, là. Dis n'importe quoi. Puis là, quand tu dis ça à quelqu'un, c'est comme une méduse qui revient toujours dans son trou, là, c'est encore pire, là, tu sais, dit n'importe quoi, là, tu sais. D'ailleurs, ça a été le sujet de ma dernière entrevue avec une femme, entretien, c'est, je dis n'importe quoi, mais là, je ne sais pas trop, là, mais je garde, tu veux savoir qu'est-ce qui est où, là? T'sais, mais c'est des petites choses Oh de oui, ben ça même, permet de réinstaller la spontanéité, advenant que la personne l'ait perdue ou elle soit trop réflexive ou perfectionniste, là. mais là, ça l'a fait voir qu'elle était trop réflexive. Ah, mais Nathalie, je viens de voir quelque chose là. T'sais, puis non, c'est vraiment intéressant, les entrevues que j'ai avec les gens, là, c'est extraordinaire, là. Tu sais, puis chaque entrevue, chaque entretien, chaque consultation est unique en soi, là, tu sais. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on peut conclure, étant donné que le temps file, sur le fait justement que tu fais des entrevues, des entretiens avec des gens, donc des consultations en psychologie évolutionnaire. Donc, c'est sûr que les gens qui nous écoutent présentement et qui auraient envie de discuter avec toi, ben, ils peuvent te contacter avec les coordonnées qui vont figurer là, en bas de l'enregistrement Exactement. présent, là. Donc, je vais mettre ton numéro de téléphone, adresse courriel et compte Facebook aussi, Facebook, là. oui, effectivement. Puis ceux qui ne sont pas Facebook, bien évidemment, YouTube, là, comme je t'ai dit, j'en ai une, elle est vraiment pas Facebook. Elle nous a trouvés par YouTube. Puis finalement, ben, j'ai réussi, on a réussi, ça a été extraordinaire par WhatsApp. Donc, j'ai découvert quelque chose grâce à elle. Ben oui, ben c'est ça t'a permis de découvrir une nouvelle interface. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup, David, de ce temps, de Oui. cette conversation. Toujours intéressant de parler avec toi, David. Et c'est un plaisir partagé, Nathalie. Donc, en terminant, ben, c'est sûr que je te souhaite un bon succès là, pour les consultations. Que tout. Ça va très bien. Bon. Ça... Avec le virus, y a un refoulement, pas un refoulement, Ben, un regain d'intérêt, j'imagine, un non? regain d'intérêt, là, les C'est gens ça, parce se posent énormément de questions, puis tout ça, donc. Exactement, parce que c'est sûr que dans le fond, dans des situations de crise comme celle présentement, ben, il y a sans doute des gens qui vont être ébranlés, puis ça va les amener à se poser des questions. T'sais, ça va les sortir de leur inertie habituelle là, quand tout va bien là, en situation, j'allais dire normale, entre guillemets, là. Effectivement, Ouais. effectivement. Oui. Ça les change de leur. Ça crée des chocs. Fait que c'est Exactement. dans les chocs, là, t'sais, au lieu d'être victime des chocs, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, hein, t'sais, de tourner le 25 cents de bord. C'est ça qui est bien important. Oui, exactement, pour que les gens puissent ne pas sombrer dans la victime, mais de voir clair par rapport à la situation pour se centrer, être plus centrique, puis gagner aussi en intelligence, en maturité, en volonté dans le rapport à l'événement adverse. Ben, l'événement est très bien placé pour ça. C'est Ex exactement le scénario, il est parfait. Exactement. Donc, sur ces mots, je te remercie infiniment pour le temps que tu as consacré à l'entretien et je te dis également à bientôt. Ben, merci David, puis à plus. Merci. Bye bye. Bye bye.